Mesdames, messieurs, c'est enfin la fin du repas. Vous êtes repus, rassasiés, et désormais votre corps va livrer une bataille sans merci avec tout ce que vous venez d'ingérer afin de pouvoir transformer chacun de ces aliments en une source d'énergie qui va vous permettre, certes, de respirer, mais surtout de vivre une vie pleine de rebondissements. Du moins jusqu'au prochain repas. C'est le cycle éternel de la vie. Pour opérer au mieux son active et efficace digestion, le corps a, le plus souvent, besoin de tranquillité, de calme, de repos. Ce besoin ne peut généralement pas être assouvi lorsque vous travaillez qu'un patron vous impose de rendre ceci ou cela pour telle heure, ni lorsque vous êtes à un repas de famille où tout le monde s'égosille pour mieux faire entendre son avis sur le ou la Covid ou sur un tout autre sujet brûlant du moment. Si ce besoin, comme je le disais plus tôt, ne peut donc pas habituellement être assouvi, aujourd'hui, prenons tous ensemble la mesure de l'importance de prendre soin de son corps et plongeons dans un état de méditation. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas seul. Je vais vous guider doucement dans ce long voyage de l'esprit si bénéfique au corps. Tout d'abord, installez-vous confortablement. Certains préfèrent être assis, d'autres allongés. C'est comme bon vous semble. Une fois la position de votre choix déterminée, je vous invite à fermer les yeux afin de vous plonger dans votre corps. Pour ce voyage vers l'harmonie entre corps et esprit, notre carburant sera notre respiration. En effet, une respiration profonde et lente pourra vous emmener où vous le souhaiterez. Très bien. Maintenant, ressentez tout ce qui vous entoure. Cela peut être l'herbe qui vous glisse sur vos mains, le poids de votre corps qui s'enfonce dans le sol, ou encore une légère brise sur le visage qui vous rafraîchit. Maintenant, je vais vous demander de vous imaginer dans une prairie. Une prairie où l'herbe est verte. Vous êtes allongé dans cette herbe. Vous y faites la sieste, tout est calme autour de vous. La nature n'est pas du tout hostile. Elle vous accueille, elle veut être votre amie. Sans bouger de là où vous êtes allongé, ouvrez petit à petit les yeux dans cette prairie. Pas très loin de là, en tournant un peu la tête peut-être, vous voyez une table. Une table posée en plein milieu de cette prairie. C'est très étrange, et cela vous interloque, mais vous n'avez pas peur. Vous êtes en confiance. Vous vous sentez très calme. Vous voulez aller voir cette table. Alors, doucement, vous vous levez. Et en quelques pas à peine, comme si vous marchiez sur la lune, vous arrivez à cette table. Lorsque vous y êtes, vous découvrez, déposé dessus, une quantité phénoménale de vin, de fromage, de gâteaux apéritifs. Soudain, vous entendez une voix. « Eh oh, tu es enfin là ? On va pouvoir commencer !» Vous vous retournez, mais il n'y a personne autour de vous. « Je suis là !» dit la voix. Vous observez. Vous essayez de comprendre d'où vient la voix, mais vous vous rendez compte que cette voix vient de la table. Vous regardez de plus près. C'est une bouteille de vin qui vous parle. Du vin rouge avec une étiquette Tivoli. Cela vous amuse. Tu vas enfin pouvoir me boire, c'est mon destin, c'est notre destin, à toi et à moi, vous dit la bouteille de vin. Vous souriez. C'est alors qu'une seconde voix se fait entendre. Ce serait dommage de le boire sans nous déguster. Cette fois, c'est un morceau de comté qui s'adresse désormais à vous. Il n'a pas totalement tort. Finalement, vous observez la table et absolument tout ce dont vous raffolez y est disposé. Vous prenez alors une grande et profonde inspiration en fermant les yeux. Lorsque vous expirez, un léger brouhaha apparaît autour de vous, si bien que, lorsque vous ouvrez les yeux, avec un soleil couchant sur la prairie, tous les proches que vous rêviez d'avoir auprès de vous arrivent dans le calme, avec un grand sourire. Peut-être n'y a-t-il qu'une seule personne, peut-être sont-ils 1000, qu'importe. Vous êtes là. Vous êtes la personne la plus heureuse de ce monde. Lorsque le soleil disparaît enfin, vous vous mettez à boire et à manger. Les condiments explosent tour à tour de joie en étant dégustés. Les bouteilles de vin vides sont heureuses. Vos proches dansent et faites une nouvelle journée passer à vos côtés. En les observant, vous souriez et profitez de chaque instant. Vous vous allongez de nouveau dans l'herbe, refermez les yeux. Doucement, dans le calme, votre esprit va rejoindre votre corps. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et constater votre bien-être. Ainsi, votre journée peut continuer sur Radio Tivoli. En effet, nous sommes en direct jusqu'à 18h, tous ensemble, avec un programme chargé mais exceptionnel. Sans vouloir trop vous spoiler, nous allons d'abord avoir l'honneur d'accueillir deux des organisateurs de la Tivoli qui ont gentiment accepté de nous accorder un peu de temps. Ensuite, nous aurons une petite séance a priori de voyance, si notre voyante se réveille. Nous ne savons pas encore, ça ce sera un suspense. Après une petite page de pub, on aura quelques annonces et notamment les fameuses chroniques de Daisy qui arrivent pour un épisode exceptionnel aux alentours de 15h45. Avant 17h et les informations et la météo, nous aurons une petite chronique ciné. Et après la chronique ciné, qu'est-ce qu'on a? Un horoscope? Oui, l'horoscope. L'horoscope, tout à fait. Évidemment, un incontournable, suivi d'un petit quiz musical DJ set avec Amandine, Agathe et Carla. Ensuite, une petite antenne libre, des dédicaces, des petites annonces, etc. Ensuite, on accueillera le fameux, le fabuleux Julien Châtel qui nous présentera ses recherches en 180 secondes. Sachez qu'il est docteur depuis à peu près 3 jours, je crois. 3 jours, pour être très exact. Et enfin, nous conclurons l'émission avec, nous espérons, toujours votre présence. N'oubliez pas que tout du long de cette radio, vous pouvez réagir. Vous avez un numéro qui est placé sur les tables et devant nous, je crois. Vous pouvez envoyer un SMS pour poser des questions, faire une dédicace à vos potos, peut-être envoyer une musique, de l'amour, comme vous voulez. On attend tout ça. D'ailleurs, on en a reçu quelques-uns, donc on va déjà les lire. Alors, la première question, c'est « Guillaume sera-t-il à la radio ? J'adore sa voix. » Donc Guillaume est bien parmi nous et jusqu'au bout, qu'assis, soit rassuré. Et enfin, on continue le tournoi de Palais après avoir battu les Perrichos 7-0. Dédicace à elle, Étienne et Robin vous embrassent. Donc le numéro c'est 06 51 44 35 03. N'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces. Merci Camille pour ces jolies dédicaces. Donc j'ai oublié de nous présenter. Alors moi c'est Alexandre, je suis accompagné de Guillaume et Camille à la technique. Enchanté. La technique qui marche pas à chaque fois, mais ça va venir, c'est le temps de se réveiller aussi de ce côté. Alors c'est parfait, je crois qu'on a notre deuxième invité qui arrive, William. Si vous pouvez lui faire une ovation pour ceux qui nous écoutent. Pour William, une ovation. Allez, bravo. Merci. Je suis là. Ça c'est votre micro pour tous les deux. Possible d'avoir un chien. Vous en avez deux. On est accueillis comme des chiens ici. Mais tu te décales. Le mec en vue va direct. Jean, t'as une chaise à côté. Jean. Jean. Ouais. Ouais. Allô allô. Allô allô. 1 2 1 2 3. T'envoies le jingle. Trois côtés dans un triangle. Radio Tivoli. Bonjour à tout le monde. Radio Tivoli. Radio Tivoli. Radio Tivoli. Radio Tivoli. Alors, et maintenant, on va recevoir deux garçons exceptionnels sans qui ce week-end n'aurait définitivement pas la même saveur. Alors finalement, cette histoire commence un 25 juin 1992 dans une campagne proche de Poitiers. Tout Chaubert voit naître celui qui deviendra bientôt une des personnalités les plus influentes du Poitou. Né Jean Babin, ses débuts de scolarité se dérouleront sans accroc dans les banlieues de Coué, où il y fera les 400 coups. Fin joueur de football, il décidera d'abandonner cette voie et de ne pas devenir joueur professionnel, sentant que son réel talent était ailleurs. Rapidement, découvrant certaines compétences, il se fera appeler Docteur Babin, suite à de nombreuses prescriptions et conseils réussis. À ce surnom s'ajouta le joyeux sobriquet de BAB, car Jean Babin est avant tout une graine d'artiste qui pousse sans discontinuité depuis son plus jeune âge. Sa soif de production l'amène à organiser de premiers événements comme de célèbres chasses au trésor, puis il écrira son premier album sorti en 2019, dont le single Triangle résonne encore dans toute la Vienne. Durant ses années lycée, il rencontra le second protagoniste de cette histoire. J'ai nommé William Vidalo, né un 1er septembre 1992 dans les favelas des Trois Cités à Poitiers. Pur produit de ce quartier, avec un physique peu bagarreur, le jeune William dut apprendre la débrouille. Petit malin, il jouait ses coups en douce et il commença à se faire respecter des plus grands. Mais c'est en secret qu'il se cultiva et commença à vouer une réelle admiration pour Jacques Germain. En parallèle, il fuma ses premiers prospectus à l'âge de 12 ans afin de montrer sa valeur et passant de la cigarette à l'herbe, il s'engagea sur des routes dangereuses. Mais William, plein de force et de détermination et surtout de ressources, sut dévier de son chemin, notamment grâce à la musique. Lors des années 2008 à 2010, William se vit attribuer le pseudonyme de El Patron. La légende de celui qui buvait comme quiconque auparavant la tequila était née. C'était le label 5, hein, pardon. Tandis qu'après plusieurs années à esquiver les yaourts crémeux, il se retrouva à Issoudun pour se former au son. Pour son ami de longue date, précédemment cité BAB, William produisit l'album sans rien demander en échange, si ce n'est le bonheur de partager la musique. C'est dans ces mêmes moments que William prit la décision de créer un événement sans précédent que la Vienne n'avait pas eu encore la chance de connaître. C'est donc à ce moment-là que William parla à Jean de son envie de créer quelque chose de grand, de magique, d'important. La Tivoli. La rencontre donc de ces deux personnages a été fondatrice pour cet événement. Alors déjà, bonjour à tous les deux. Bonjour, merci de nous accueillir. Merci bonjour, à vous bonjour. D'être présents. C'est un merci. Réel plaisir. Est-ce que déjà vous pouvez nous en dire Oh là là, je vois que vous avez des admirateurs. Il y a un public. Hein. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus la genèse de cet événement qu'est la Tivoli, qui existe maintenant depuis, je crois, 4 ans? Tout à fait, quatrième édition cette année, dans un nouveau lieu, qui est ce lieu en fait, tout simplement. La première édition est née tout simplement autour d'une discussion entre amis, autour de peut-être d'un verre d'alcool ou deux peut-être, d'organiser quelque chose de festif entre amis, voilà, on était une quarantaine je pense la première année, puis ça a grandi petit à petit, voilà, nous sommes à peu près le double cette année, donc c'est plutôt une réussite, voilà. Donc quelque chose qui progresse doucement mais sûrement quoi. Doucement mais sûrement, voilà, on va atteindre les 20 000 personnes d'ici 200 ans à peu près, donc il faut être patient, mais voilà, ça fait son chemin. En tout cas nous serons là. Les 2000 personnes dans 100 ans. Merci. Et du coup, le principe, c'est justement de faire ça chaque année dans un nouvel endroit ou peut-être à un moment se fixer. Alors écoutez, deux premières années, on a fait ça au même lieu. C'était pour les puristes. L'étang du Coudray. L'étang du Coudray, voilà. Pour très peu peut-être dans le lot qui ont fait les quatre éditions. Mais bon, on les remercie en tout cas. Voilà. C'est ce qu'on appelle les anciens. Qui a fait les quatre anciens. Éditions ici? Voilà. Il y en a quelques-uns. Allez. Il y en a quelques-uns, on les salue. Voilà. Vous aurez sur des lots personnes, de Radio Tivoli, va vous donner des lots à la fin. Voilà, c'est exactement. Il faut qu'on trouve des lots. Deux années là-bas, une année dans un lieu de chasse l'an dernier qui était sympathique. Également pour ceux qui étaient présents, et puis cette année ici, et si on peut poser les valises également l'an prochain ici, ce sera un réel plaisir. Voilà. D'accord, donc l'engagement n'est pas un problème pour vous, quoi. A priori, aucun souci, c'est pas le problème. Donc on se retrouvera l'année prochaine, c'est ça? Ça y a des grandes chances, peut-être okay, ici. Voilà. Ah là, ça commence déjà à teaser l'an prochain. Et justement, après 24 heures, vous vous sentez comment dans cette édition là? Un petit peu fatigué, mais les choses se font. Voilà, Jean, peut-être un petit mot. Moi personnellement, je suis rayonnant. Ça se voit, hein, en tout cas, hein, ça se ressent. Du coup, vous êtes que tous les deux organisés ou il y a d'autres gens qui sont censés vous aider et... Bah, vous les avez pas invités. Vous les connaissez, c'est Jordi et Rabussier. Ah, c'est. On fallait qu'on les invite, du coup. Oui, c'est vrai qu'on peut les applaudir. N'hésitez pas si ceux-là. Merci à eux. S'ils veulent se joindre à nous, n'hésitez pas, Jordi, si tu veux venir. Monsieur le maire. Ouais, tu vas peut-être nous dire un petit mot quand même. Voilà, monsieur le maire, il va. Un discours, il va dire un mot. Au moins, nous raconter peut-être comment s'est fait un petit peu cette rencontre, cette organisation. Comment est-ce que toi, t'es arrivé dans l'organisation? Alors attendez, est-ce que c'est la première année qu'il aide? Tout oui, à fait. Donc si c'est ta première année, on va te demander de venir quand allez, même et de prendre un micro, s'il te plaît. Et Antoine également, si dans le secteur. Et on se dépêche, on met un peu de rythme dans cette émission là. Voilà, merci. On va continuer à trois, tout va bien. Mais juste pour les introduire, voilà, c'est deux nouvelles personnes qui nous accompagnent, qui étaient déjà impliquées fortement l'année dernière. Antoine Rabussier. Et qui sont officiellement rentrées dans l'organisation Tivoli cette année. Voilà. On appelle donc Monsieur Jordi qui est ici et Monsieur Antoine Rabussier avec un superbe accoutrement qui arrive sur votre droite. Voilà. On peut les applaudir. C'est deux salles, deux bravo ambiances. À vous. Monsieur le je maire passe le micro. Et Rabussier. Alors, monsieur le maire, justement, on va poser la première question, mais ça n'a pas été trop compliqué de s'intégrer à ces deux énergumènes? Non. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es senti un petit peu trop, ou vraiment tu as été bien intégré par Jean et William? J'ai été bien intégré, c'est en effet la première année où je fais partie intégrante de l'organisation. Il y a quelqu'un qui appelle derrière? Non, mais c'est pas toi qu'on appelle. C'est pas moi, bah voilà, c'est le problème de l'organisation. que je crois être indispensable. Non, l'année dernière, mais c'est très bien que ça se passe comme ça, parce que ça veut dire que cette année, on a réussi à faire une belle organisation. Et l'an passé, donc même si j'étais pas dans tout le volet d'organisation, je crois me souvenir que j'avais identifié le lieu, que j'avais trouvé ce fameux bois de la Lune, qui a donné la Tivoli 2000 Groin, pour mémoire, parce que le lieu dit l'année dernière, c'était le lieu dit le Groin. Je crois que le titre de l'année dernière, c'est toi qui l'avais trouvé d'ailleurs. C'est probable. Donc finalement, tu commençais déjà l'an dernier, tu posais les premières bases quoi. J'ai posé les premières bases et puis cette année, on a réfléchi tous ensemble. Et pour toi, Antoine, l'organisation, elle s'est pas arrêtée hier soir vers minuit. D'après ce qu'on a compris, vers minuit, l'organisation, c'était 6h30. Je tiens à remarquer que j'ai tenu le bar aussi pendant plus de 2 heures. Tu le remarques ou tu le fais remarquer? Je remarque actuellement parce que les deux. Le temps que ça arrive au cerveau, quoi. Très bien. Je suis désolé pour vous, mais ça va être l'heure de la question subversive. Donc dans cette émission, c'est une tradition depuis toujours, c'est-à-dire depuis cette première émission. Et alors vous savez, on est en 2021 aujourd'hui. Et des auditeurs nous ont fait remarquer, des auditeurs que sont nous-mêmes en fait, Guillaume et moi, on a remarqué que vous étiez 4 hommes, 6 blancs, genre à organiser. Est-ce que des détracteurs vous ont contacté peut-être pour vous dire que l'entre-soi c'était peut-être fini en 2021? Je vois que les regards sont embêtés. C'est la question subversive, je suis désolé. Je vais laisser la parole aux politiques, il va arrondir les angles plus que moi. Ouais. La question, elle est juste. Il n'y a pas d'éléments subversifs et il n'y a pas de choses qui sont pas assumées. Il y a un moment donné je peux répondre sur deux sujets. J'ai bien compris que la question c'était un peu pour nous attaquer, essayer de répondre. Alors, je vais faire les deux registres pour vous parce que je vous apprécie beaucoup et qu'on va apporter un peu de contenu à cette radio hein, dont je. Ça nous fait plaisir. Je préciserai quand même que lorsqu'on m'en a parlé, j'ai dit je ne veux pas en entendre parler. L'organisation réglera. Il y a un problème avec les médias et la communication de manière générale, mais pour s'enregistrer. Vous remarquerez que je vous aime bien également et qu'on est neutre et que du coup on pose aussi les questions compliquées. Alors, voilà, c'est important, je pense. Alors, et la France veut savoir. Et bien la France veut savoir. Donc tout à fait, on est 4 hommes, 6 blancs à organiser. On n'est pas issus des mêmes milieux. Non plus, hein, donc en effet, sur visiblement, il y en a un qui vient des favelas, donc voilà. Mais cette année particulièrement, on a organisé les choses en termes de bénévolat. Et si monsieur vous aviez travaillé un peu votre dossier et étudié la Tivoli, sachant que de mémoire vous aviez suivi l'organisation des bénévoles, tous les chiffres de bénévoles sauf au dernier moment ont été organisés pour être mixtes à chaque fois. Je suis agréablement surpris que le terme de journalope ne soit pas sorti encore. Vraiment, Et je vous ferai savoir que le titre du bar s'appelle Redazanaz. Donc, en termes de visibilité. C'est pas typique de la Vienne. On va arrêter ici. Mais du coup, en deuxième sujet brûlant, la crise sanitaire, est-ce que pour vous ça n'a pas été trop compliqué? Ça va, il n'y a pas eu de problème vis-à-vis de ça? Parce que déjà l'an dernier vous avez été embêté, mais vous avez pu la faire. Alors on voit que quand même la Tivoli c'est quelque chose de solide qui tient le coup contre vents et marées finalement. Là, je peux me permettre de répondre, hein, mais la Tivoli, c'est d'abord un événement entre amis. Plein de confiance et plein de sourire, je cherchais un mot qui est à la mode, de bienveillance, voilà, c'est ça. C'est donc l'année dernière, tout le monde a fait attention, la plupart se sont testés l'année dernière, et c'est vrai que là aujourd'hui on a fait un appel à voilà, faites vigilants. L'année dernière, alors qu'on aurait pu avoir plein de cas de Covid, on n'en a eu aucun. Personne n'a été malade, personne n'a contaminé d'autres personnes à l'issue de la Tivoli 2003. Et cette année, je pense que ce sera pareil. Mais parce qu'on est en extérieur, on pense à vous, on fait attention. Et... Ah, merci, Julien. Bah, merci en tout cas de vous être organisé comme ça. Et même dans la cave, on est en extérieur, franchement. C'est vrai. Alors la cave, le taux d'humidité est tellement important dans la cave qu'il n'y aura aucune survie de virus de type pulmonaire. Et je suis docteur, je confirme ce message. On a fait approuver, merci, docteur. Notre opération par quelqu'un diplômé. C'est confirmé là-bas par quelqu'un de diplômé. Le gars en chemise orange, c'est lui qui a fait les tests. Celui avec la chemise et les palmiers, donc c'est ça. Le coucher de soleil de Miami, la responsabilité super. Sur lui. Hein. C'est pas des diplômes achetés, c'est des vrais diplômes. Hein, donc, voilà. Et petite parenthèse quand même, on reste organisateur jusqu'au bout, parce que si vous voyez au fond, alors la radio le verra pas, mais c'est pour les auditeurs quand même, parce que je pense à vos auditeurs aussi, beaucoup. Peut-être vous un peu moins, vous êtes focalisé sur les questions un peu... polémique, subversive. Hein. Subversive. Donc vous pouvez regarder que la quatrième personne encore. De l'organisation est en train d'organiser son activité phare qui a lieu tous les ans à la Tivoli. C'est vrai. Sauf. 2 sur 4, c'est déjà la moitié de l'année. C'est la deuxième édition. On me dit dans l'oreillette, c'est la deuxième édition. Et est-ce que vous êtes content de la programmation des artistes qui se présentent à la Tivoli cette année ? Jusqu'ici, tout s'est bien passé, je crois. Ah oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Voilà, on renouvelle tous les ans un petit peu. On fait des appels à candidature pour ceux qui veulent mixer. On fait appel également à des artistes qui reviennent d'année en année, qui nous font plaisir et qui se font plaisir également. Donc voilà. C'est, bon, en tout cas, on tient à vous féliciter parce qu'en plus, les styles sont hétéroclites, c'est vraiment sympa, ça change. On a pour tous les goûts. Je sais pas ce qu'en pense le public, mais a priori, tout le monde est content. Est-ce que vous êtes content ? La méditation les a. Loulou, elle est contente. Loulou est contente. Moi, il y a juste un artiste que j'aime pas trop. Mais on saura pas qui, on ne saura pas lequel. Soyez content quand même, donnez-nous envie de recommencer. Bah alors du coup, grande annonce, c'est la dernière Tivoli cette année. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui ont des petites questions à poser à ces personnes si présentes, organisation ? Peut-être une question au micro, oui. Vas-y, viens. Une question ? Viens, approche-toi. Est-ce qu'il y aura des élections pour élire un nouveau président ? Très bonne question. Est-ce que le président est définitif ? Est-ce que c'est une dictature ? Finalement, une autre question subversive qui vient d'arriver. Finalement, on fonctionne... notre seule organisation, c'est une discussion Facebook, simplement. On n'a pas de structure associative, ni EURL, pas d'actionnaire également, si on peut le préciser pour ceux qui avaient des doutes. Voilà. J'arrive. Voilà. Donc... Monsieur le maire, comme on l'appelle, a déjà un titre qui, de prestance, voilà, qui naturellement et puis de par son charisme, qui en impose. Qui en impose exactement. Okay. Après, on est Rabussier voilà, trésorier aussi, voilà. Parce qu'il aime bien l'argent. Exactement. Et sinon, on n'est pas dans un système de monopole. Il y a pas d'appel d'offres, il y a pas de tentative pas de devenir une asso, de faire quelque chose de plus. Il y a une vérité à expliquer quand même. Moi, je peux l'expliquer. On peut l'expliquer. Ah, une vérité à expliquer. Il faut être clair et honnête avec vous. À l'issue de l'année dernière et du succès de la Tivoli, s'est posé la question de monter une association et de réfléchir l'événement avec une ouverture publique totale, puisqu'aujourd'hui on fonctionne plus ou moins comme un système de cooptation, mais qui n'est pas vérifié. Mais globalement, c'est plutôt les gens qui parlent aux autres de la Tivoli, et ce qui fait qu'on se retrouve tous entre personnes qui se connaissent. Il n'y a pas une personne ici qui ne connaît pas quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Donc on est tous raccordés, c'est ce qui fait aussi pour moi l'ambiance Tivoli, ça c'est certain. Mais on s'est dit, au vu du succès, pourquoi pas essayer d'ouvrir au public plus largement avec une sensation un peu de vrai festival. Ça c'était la réflexion initiale pour cette année, qu'on n'aurait de toute façon pas pu mener à bout, je pense, avec l'histoire de la Covid, qui est compliquée. Mais c'est surtout quand on a eu cette réflexion, on est revenu très vite vers les Tivoli de la première. Alors, vos auditeurs ne le voient pas, mais on a un phénomène, on a un loustic là-bas en casquette. Voilà, qui est en train de crier fumier, voilà, comme d'habitude. C'est Paul Roy. Et donc, non, mais plein d'autres qui ont dit, on a peur qu'avec une ouverture au public, on perde un peu cette ambiance Tivoli. Donc cette ambiance de se retrouver un petit peu oui, entre nous comme tous les ans quoi. Il y a un peu de cette chose. Alors entre juste... nous avec des nouvelles têtes également tous ouais, les ans. Ouais, on a des nouvelles têtes tous les ans, ça des gens qu'on rencontre. Mais puisque... c'est pour dire à quel point on n'est pas quatre à organiser en se disant on veut faire ça, on veut aller dans telle direction, on veut faire telle chose. C'est à quel point on vous sollicite vous. Et c'est important pour nous que vous répondiez. Alors c'est long. Vous l'avez dit, c'est entre nous et notre chef ici, notre directrice des programmes, alias Camille, a préparé un sondage et a demandé, a posé quatre questions aux gens de la Tivoli. Et on va voir si vous êtes capable de répondre comme eux, voir si vous connaissez vraiment les gens du village de la Tivoli. Alors Camille, je t'en prie. Alors, la première question qui a été posée aux villageois, c'est en cas de conflit, est-ce qu'ils disent plutôt le drapeau rouge ou blanc ? Vous diriez qu'il y a une majorité pour le drapeau rouge ou pour le drapeau blanc, parmi... Je comprends pas bien la question, désolé. Hisser le drapeau blanc lorsqu'il y a un conflit ou hisser le drapeau rouge ? Non, pour les gens de la Tivoli. Tous les gens de la Tivoli, a priori, ils vont plutôt hisser le drapeau blanc. Dans l'organisation, on se complète en termes de compétences. Donc avec Jean, on va répondre à la question. Ça va être la langue française, visiblement. Je vais essayer de faire, voilà, merci. Donc avec Jean, on pense que c'est plutôt blanc. Vous pensez que le public a répondu blanc ? Plutôt, oui. Tout à fait. C'est vrai, effectivement, il y a eu une majorité de blancs. À 70%, les villageois hissent le drapeau blanc. C'est dommage que tu aies dit le pourcentage parce que je l'avais... Et surtout, elle a dit qu'il y a eu une majorité de blancs. Encore une fois, on en revient à la question subversive. Toujours et encore. Alors, deuxième question, les garçons. Tout à fait. Alors, on continue. Donc, la deuxième question, c'est dans le sang des villageois. Enfin, dans votre sang, diriez-vous qu'il y a plutôt des globules rouges ou blancs ? Dans votre sang, y a-t-il plus de globules rouges ou de globules blancs, selon vous ? Pas dans votre sang, Je comprends la question, mais je ne connais pas la réponse, par contre. Selon les villageois, encore une fois, faut que tu répondes comme tes villageois, ce sont tes villageois. Globules rouges, on va dire. Tout à fait. 95% voilà, de globules rouges. Eh bah, bien, bien joué, bien joué. Surtout cette année, parce que beaucoup de vin. La vinasse. Et les 5%, c'est parce qu'ils ont bu du blanc ce midi, je pense. Oui, je crois. Si je peux refaire une remarque, fallait pas me dire de venir. Si je peux faire une remarque aux journalistes en face, vous auriez pu aussi faire un point d'historique sur le domaine, puisqu'on est quand même sur les terres de Ampélidé, donc du vin qui ça va. Merci. De toute façon, c'est des journalopes, ils font pas leur travail. Alors, on va continuer le sondage. La troisième question, c'était en lendemain de soirée, avez-vous un teint plutôt rougeâtre ou blanchâtre ? Alors, ce matin, moi, en arrivant, j'ai pu avoir la réponse, mais l'avez-vous, vous ? Très bonne question. William. C'est difficile à répondre, hein, mais blanc plutôt, quand même. Hein. Plutôt donc, blanc. William, tu ne me donnes pas ta réponse, mais la réponse des villageois, ouais, bien je pense sûr. Qu'ils auraient dit blanc aussi. Hein. Je pense, hein. Eh bien, on est sur une égalité. Oh là là ! Quelle surprise ! Ces villageois sont surprenants, c'est fabuleux. Le fameux 50-50, merci. Alors, on continue. Pour une est-ce soirée... qu'il y a l'appel à un ami également ? Alors, pour une soirée tartiflette, vous êtes plutôt rouge ou blanc ? On va dire 50%, 50-50 aussi, non ? Est-ce qu'on peut appeler Nicolas Tellier pour répondre à cette question ? Ah, on peut. On peut faire un appel à un ami. Bien sûr. Est-ce qu'on peut répéter la question, Nicolas Tellier ? Il va, je crois, pouvoir répondre. Il a l'air d'être spécialiste. Attention. Alors, oh la merde. Attends, j'ai pas dû venir en fait. Attends, repose la question. Non, Nicolas, tu vas pouvoir répondre. On a demandé aux gens si, pour une soirée tartiflette, ils étaient plutôt vin rouge ou vin blanc. Et il faut deviner ce que la majorité a choisi. Alors, en fait, il n'y a pas de débat. Attention, il est énervé, là, je vous le dis. Non, il n'y a pas de débat. Ce que les gens ont dit, faut pas. Alors, moi, je pense que, comme les gens sont des gros beaufs, ils ont mis vin rouge. Mais pour toi, c'est vin blanc ? Mais bien sûr que c'est vin blanc. Attention. C'est déjà un plat qui est lourd. Attention, ça... C'est un plat qui est lourd, donc il faut en face un vin qui rééquilibre. Et c'est la seule, franchement, c'est le seul plat où on peut boire des vins de Savoie. Qui sont franchement des vins dégueulasses, mais c'est le seul moment de l'année où tu peux boire des vins de Savoie. Donc voilà, vin de Savoie, blanc, nickel. Et avec une tartiflette, c'est merveilleux. Alors, mais pas du rouge. Nous allons tout de suite savoir s'il y a bagarre dans le village de la Tivoli. Est-ce qu'il y a drapeau blanc ou drapeau rouge ? Toute la Tivoli n'est pas forcément d'accord avec toi, mais on est encore une fois sur une égalité. Je l'avais dit. Ouh là là là là. 50-50. Le fameux. Ah là là, c'est... Et on c'est avait terrible. Une dernière question bonus, rouge ou blanc? Donc qui Empelidé. Non mais de rouge. Je pense que c'est rouge, je pense que les gens ont dit rouge. Les gens ont dit blanc. Très mauvaise connaissance. 70% de blanc. On sent que la Tivoli s'est ouverte à des gens que vous ne connaissez pas à la base. Hein. Encore une fois, la question qui fâche le blanc. Sur les pourcentages, on est... Toujours est-ce le blanc. Qu'on peut avoir le détail des pourcentages, s'il vous plaît, ouais. 70%. 70% de blanc. Combien de personnes ont été interrogées? Ah, mais on est sur un échantillon très représentatif. Alors, si je peux me permettre, je ne veux pas remettre encore une fois en question votre travail. Hein, qui est... Attends, non, mais on vous dit tout. J'ai une dernière question. À quelle heure ont été posées les questions? Pareil, on est sur un échantillonnage. A priori, le travail était bien fait des sondages. Je m'y connais. Voilà. Donc, bah en tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus. C'était merci. Un vrai plaisir. Je pense que les gens se sont régalés. Ils en ont appris des vertes et des pas mûres sur vous. Tout à fait. Tout à fait. Un dernier mot, peut-être Merci à vous, du coup. Ah bah, de rien, à nous. Merci à vous. Innovation, innovation pour les organisateurs de la Tivoli. Bravo. Et tout de suite, on va faire une petite page de pub avant de revenir sur les chroniques de Daisy. Hey, salut Jean-Michel. Dis-moi, tu as vu la nouvelle collection de la Tivoli Party? Les pulls sont magnifiques. Oui, j'ai vu ça ce matin, Bernard. C'est vrai qu'ils sont magnifiques, surtout que cette année, il n'y a pas seulement des pulls, mais il y a aussi des t-shirts, des casquettes et des bonnets. C'est vraiment génial. Ah ouais, c'est clair. Moi, je pense que je vais aller m'acheter 10 pulls comme ça, je serai habillé pour l'hiver. Eh ben dis donc, toi, t'as déjà dû t'acheter un bonnet, parce que, a priori, t'as pas froid aux oreilles. Promotion non contractuelle est soumise à condition et dans les limites des stocks disponibles. Rendez-vous auprès des organisateurs de votre région le plus rapidement possible. Les organisateurs se réservent le droit de modifier les prix à la gueule du client. Tivoli, partenaire officiel de la joie de vivre. Leclerc. Ouh là là, mais elle fume ta voiture. Bah oui, je n'ai plus d'huile. Ça, c'est vraiment la tuile. Mais pourquoi tu ne vas pas au centre auto Leclerc route de Jancey? Ah, pourquoi faire? En ce moment, pour un bidon d'huile moteur de 2 litres Brain Sport, le deuxième est à moitié prix. Ah, ça c'est super! Bien sûr, c'est Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité sur www.leclercdrive.fr. Tu veux que le tube de l'été 2019 Triangle soit ta nouvelle sonnerie? Envoie Triangle au 06 78 19 95 18. Triangle au 06 78 19 95 18. Seulement 2 euros les SMS. Seulement 2 euros le SMS, ça vaut quand même sacrément le coup. Et donc on reprend tout de suite l'antenne avec les chroniques de Daisy. Je vais pour ça laisser tout de suite la parole à Guillaume. Nous sommes partis. Camille, t'as un micro? Prends un micro, Camille. 1, 2, 1, 2. Alors attends. Quand tu veux. On est prêt? On est 100% prêt. Ok. C'est parti. C'est parti. Notre récit se déroule il y a plus de 10 ans dans les égouts de la ville de Saint-Nazaire, dans la ville d'insectes de mille pucions. Poussez-vous! Ah, pardon, madame, excusez-vous! Moi, je suis pressée! Oh là là, excusez-vous, maman, pardon! C'est pour une urgence! Il faut vraiment que j'aille chez Benito Blaise! Un jeune cloporte galope à toute berzingue sur les quais de la ville. Il porte un petit mot dans sa patte avant droite, raison pour laquelle il affiche un empressement notoire. C'est l'heure du marché de la ville côtière, et nombre de badauds viennent faire leurs courses hebdomadaires en cette occasion. Notre cloporte esquive une famille de mouches drosophiles devant un stand d'excréments de volatiles et canidés. Il passe sous les pattes d'une mante religieuse, saute par-dessus des vers de terre, mais rate son atterrissage et se vautre dans un escargot. Il se décolle, s'essuie brièvement et repart à grande vitesse. Le jeune arthropode accélère. Il longe les stands du marché portuaire devant des passants effarés face à un tel effarement. Il passe devant des boîtes de conserve, des assortiments de plastiques et de gravats de toutes les couleurs servant d'habitation aux résidents du vieux port. À quai se trouvent plusieurs navires de pêche en bouchons de bouteilles ou bouts de bois sculptés, surplombés par un navire plus grand, aux voiles noires. Mais pas le temps de niaiser. Il s'enfonce dans une ruelle, manquant de percuter une fourmi légionnaire en patrouille. Excusez-moi, monsieur l'agent, je vous jure, je suis désolé. La prochaine fois, c'est un pilier, petit merdeux. Il accélère encore. Il évite une cigale chantant dans des airs marins face à de jeunes puces qui l'applaudissent. Esquive un criquet volant en basse altitude, puis une, deux, trois, quatre, huit fourmis transportant des grains de sable. Trois vieilles coccinelles assises sur un banc grognent sur son passage. Les jeunes d'aujourd'hui sont si pressés, c'est une honte. De mon temps, on ne courait pas dans tous les sens. Mais le truc le porte est déjà loin et n'a que faire de la vie des vieilles dames. Il galope de toute son âme en direction de son salut. Écartez-vous, laissez-moi passer, c'est une urgence, mais poussez-vous, connard vous-même, monsieur. Enfin ! Sa destination apparaît ! À l'autre bout de la rue, là-bas, une vieille bâtisse au jonchement de bois stratifié se dresse tel un entassement d'immondices branlants sur le point de s'effondrer. Il accélère une dernière fois avant de s'arrêter devant la porte quelques secondes pour reprendre son souffle. Il est enfin arrivé. Mission accomplie. Il toque à la porte. C'est Ubermite ? Bordel ! C'est pas trop tôt ! La porte s'ouvre et laisse apparaître un vieux lépisme, ou autrement appelé poisson d'argent. C'est un petit insecte pénible qui adore se faufiler dans les rainures des parquets, un peu comme un scolopendre nain. Benito Blaise est une véritable légende vivante. Il porte toujours sur lui une vieille veste d'apparat rapiécée parsemée de décorations militaires diverses. Il est célèbre dans le coin pour son vécu d'ancien militaire et son appétit gargantuesque, mais également parce qu'il est pour la plupart du temps vindicatif, rouspéteur, hargneux, irascible, bougon et têtu. Bah, c'est pas Ubermite. Ah, ils sont toujours en retard, ceux-là. Bon, qu'est-ce que tu veux, le nabo? Un autographe? Désolé de vous déranger, monsieur Blaise. J'ai un message pour vous de la part de maître Kakashi. Il dit que c'est une question de vie ou de mort. Ouais, bon, ok. Donne. Merci, mon garçon. Benito s'assoit dans son fauteuil à bascule sur son perron et sort sa pipe. Avant de constater que le jeune cloporte est en fait toujours là, planté, à le regarder fixement sans dire un mot. Tu vas te casser tout seul ? Oui, il faut que je te donne de l'élan avec mon pied au cul ! Le petit arthropode s'empresse de s'éclipser et salue l'ancien de la patte. Benito lit le message écrit par maître Kakashi, le responsable du groupe des ninjas indépendantistes bretons. Il y est écrit « Réunion d'urgence, maintenant, au QG ». Le vieux poisson d'argent sourit. Bien qu'il soit officiellement militaire à la retraite, il ne rechigne jamais à courir l'aventure. Il ferme sa demeure et se met en route. Mot de passe. Cher Daveg ! La porte se déverrouille. Benito pénètre à l'intérieur de ce qui semble être un vieux bar miteux et malfamé. On l'invite à se diriger vers un escalier menant à la cave. Plusieurs personnes sont assises à une table ronde, un whisky à la main. Les têtes se tournent vers Benito qui interpelle les chefs présents. Alors, on faisait la teuf sans moi, bande d'ingrats ? Bon, allez, racontez-moi puis servez-moi un verre, je suis assoiffé ! Le chef des ninjas indépendantistes bretons prend la parole. Ravi de te voir, Benito, même dans de telles circonstances. Bien, tout le monde est là. Je crois qu'on peut commencer. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce qu'un danger menace depuis quelques semaines notre cher continent breton. En effet, plusieurs disparitions inquiétantes nous sont parvenues depuis la ville de Micropolis, dans les égouts de la ville humaine de Nantes. Nos enquêteurs ont été envoyés au sud de la ville, au lac de Grandlieu, mais un seul d'entre eux est revenu à moitié vivant. Dans ces derniers mots, nous n'avons perçu que ce qui suit. Alliance, moustique tigre, et fourmis, balles de fusil. Le capitaine Roger, chef des pirates et propriétaire du trois-mâts mouillant au port, l'interrompt. On connaît bien ces enfoirés de moustiques tigres, mais on a toujours su les tenir à distance de la population. Par contre, c'est quoi ces nouvelles fourmis, là ? Ce sont des fourmis originaires du monde, par-delà le grand océan, lui répond le capitaine de la garde de la ville, lui-même fourmi légionnaire. Les humains appellent cette contrée l'Amérique du Sud. Plusieurs reines ont sûrement été ramenées ici dans la valise d'un putain de touriste humain. Nous devons vérifier leur présence, et si elles ont établi une alliance avec les moustiques tigres, dit Benito. C'est là que nous avons besoin de toi, Benito. On sait que tu as des contacts sur place, et on sait aussi que tu t'adaptes bien aux situations à risque. Si tu as besoin de renfort, envoie-nous un message, et nous te prêterons main forte, dit Maître Kakashi. Vous pouvez compter sur moi, les gars, assura Benito. Roger, Ce serait sympa que tu m'avances jusqu'aux abords de Micropolis par les voies navigables. De là, je chevaucherai vers le sud. On verra bien si la situation est critique. Pas de soucis, Benito. Lui répond le Capricorne au chapeau de paille. On lève l'ancre demain matin. Au fait, dit Benito, pourquoi les appelle-t-on les fourmis balles de fusil? Kakashi lui répond. Parce que leur piqûre est, selon les humains, aussi douloureuse pour eux qu'une balle de fusil. Donc sûrement mortelle pour nous. Fais attention à toi, Benito. L'avenir de la Bretagne libre en dépend. Ça vous a plu? Je m'en fous de ton avis, Julien. Non, je déconne, ça m'importe. Cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Et on continue l'émission. Nos micros sont pas branchés. Nos micros sont branchés, c'est bon. On nous entend, la radio continue. Oh bah loulou, alors t'es tombé. Attention, parfois les sièges se déplacent tout seuls. Alors nous revoilà sur Radio Tivoli. Et pour commencer cette prochaine session, on va tout d'abord commencer par quelques dédicaces et quelques messages qui nous ont été envoyés. Je rappelle que vous pouvez envoyer vos dédicaces au numéro de téléphone écrit sur les tables et juste devant nous. Vous pouvez nous envoyer un petit message. Et donc merci pour votre participation. On reçoit beaucoup de messages, ça fait plaisir. La première question qui nous a été envoyée, c'est: faut-il porter des lunettes pour faire partie de l'organisation? La question est pertinente, je crois qu'elle peut se poser au vu des quatre organisateurs. Et je crois qu'on peut valider positivement la réponse à cette question. Nous pensons qu'il y a besoin. Exactement. Nous n'avons pas de lunettes, on est donc niqués. Voilà. On ne fait pas partie de l'organisation. Ensuite, la deuxième remarque qui nous a été faite, c'est: Guillaume, peut-il finalement arrêter de parler? Sa voix m'irrite. Voilà, c'est... Désolé, Cassie, je crois qu'il est encore là pour longtemps. Il y avait des chances que ça tombe quand même. Cassie, je te hais. Ouais, mais on peut la comprendre. Et enfin, la dernière dédicace qui nous a été envoyée, c'est: j'aimerais faire une dédicace à Alexandre, dit Fournix, pour lui dire tout l'amour que je lui porte. Je souhaite rester anonyme. Donc voilà, merci Jordi pour ton message. Et on continue l'émission et continue à nous envoyer des messages, des musiques. N'hésitez pas. Alors justement, on aura d'autres pubs. Avant un point pub, je vais faire une petite chronique ciné pour vous donner le coup de cœur de la radio Tivoli. La radio Tivoli a donc porté son coup de cœur sur Boîte Noire, qui est sorti cette semaine avec Pierre Ninet, le magnifique Pierre Ninet, qu'il est beau, qu'est-ce qu'on l'aime, oh là là, on l'adore. Alors le pitch, c'est qu'est-ce qu'il s'est passé au bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin. Ça, vraiment, tout le monde se pose la question et donc ils vont se mettre à rechercher la Boîte Noire avant de se rendre compte que finalement il y a des gros soucis. Donc c'est un film plein de suspense avec du suspense, j'ai perdu mes mots. Et des boîtes noires. Avec des boîtes noires, des suspense et Pierre Ninet. Donc, a priori, la boîte noire. Comme spoiler. Ça, on vous le vend assez bien. Il y a un homme beau qui cherche une boîte noire, qui la regarde, qui marche pas. Fin de l'histoire. Allez le voir le plus vite possible. Si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et pour continuer, Camille, j'ai besoin de toi pour savoir si d'abord on envoie de la pub ou je fais tout de suite les infos. On peut faire une petite pause pub parce que vous avez quand même besoin de consommer. Donc tout de suite, on envoie une petite page de pub. C'est parti. Leclerc. Dominique. Qu'est-ce qui se passe, Marie-Claude? C'est la panique. Paul arrive ce week-end et il n'y a plus de bière. Pas de panique, du 14 au 22 septembre, tu as 30% de tickets Leclerc sur les packs de 24 à Heineken. Ah, mais j'y vais tout de suite. Où ça? Bah chez Leclerc Grand Large. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité sur www.leclercdrive.fr. Encore une promotion qui a l'air quand même sacrément intéressante. Alors foncez tout de suite chez Leclerc. Alors tout de suite, on va faire un point info de la journée. À Chauvigny, scène impressionnante sur un pont de la Vienne où Thierry, un pompier volontaire de Saint-Gervais, les Trois Clochers, a rattrapé une sexagénaire voulant mettre fin à ses jours. Le soldat du feu l'a retenu par les chevilles, lui évitant ainsi une mort certaine avant de déclarer être, je cite, un simple citoyen qui a accompli son devoir. L'équipe de la radio se joint à moi pour féliciter notre héros du jour et nous souhaitons un prompt rétablissement à cette jeune femme de 60 ans. À Poitiers, la police nationale a reçu un commentaire un peu particulier sur sa page Google. En effet, il y a écrit « Accueil un peu brutal, mais professionnel ». Accompagné de ses 4 étoiles, cette note d'humour a amusé les internautes. Un plaisantin ou message sérieux, l'internaute n'a pas encore pu être joint par nos services. Insolite d'abord. Le stade de football de la Rabatelière en Vendée accueillera une rencontre inédite samedi le 9 octobre 2021. L'équipe des Chauves affrontera celle des Chevelus. Benjamin Nive, illustre capitaine du club de Troyes et emblématique chauve de la Ligue 1, sera présent. Un drôle de rendez-vous imaginé par Football Club Chavagne-la-Rabatelière. nous apprend Ouest France. Décisément, ces Vendéens ne cesseront de nous surprendre. Astuce maintenant, la Voix du Nord nous dévoile un excellent reportage sur Hugues Panex, habitant d'Eperlec, qui roule dans un Renault Espace et qui affiche au compteur plus de 573 000 km. Mais quel est donc son secret ? Alors, dans ce grand rendez-vous dans la Voix du Nord, il explique son secret, c'est son compagnon, son garagiste Christophe Lefay, qui s'occupe de sa titine. Je cite hein, sa titine. Les mordus de la mécanique se régaleront à lire ce grand format passionnant. Et enfin, on finit avec une actu des loups du nez. Cette année, la ville a accueilli plus de touristes qu'il n'était craint. Et oui, à cause du Covid, la fréquentation touristique a nettement diminué. Mais malgré tout, les dégâts sont limités. Et justement, Loudun, c'est notre sponsor. Et on écoute tout de suite une petite page pour vous donner envie d'aller vers Loudun. Loudun, un village merveilleux, plein de surprises. Loudun est une commune du centre-ouest de la France, située dans les départements de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine. Ses habitants sont appelés les Loups du Nez. C'est une ville avec les ruines de l'ancien château détruit par Richelieu et dont le centre historique est entouré de vieux remparts. Cette ville possède un grand patrimoine culturel, avec entre autres sa tour carrée, ses ruelles ayant gardé l'esprit du Moyen-Âge, toutes les caves à champignons et à vin, sans oublier le musée Renaudot. Pour démarrer une bonne journée de visite, de nombreux monuments historiques, en partie détruits par Richelieu, vous émerveilleront. Si vous avez de l'imagination, foncez voir la tour carrée. Si vous avez des problèmes de santé durant votre séjour, pas de panique. Le centre hospitalier Renaudot vous accueille sans problème avec une technologie de pointe comme des stéthoscopes ou encore des seringues de toute taille et même des lits. Et en cas de problème d'argent, pas de panique. Le Loudunais est une région agricole et viticole, le leader mondial des produits tubulaires destinés aux bovins. La société Agritubel est basée à Loudun. La ville possède une antenne de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, zone industrielle et artisanale au nord de la ville en direction de Saumur et Fontevraud. Et pour dîner le soir, venez goûter notre spécialité gastronomique, le croquant de Loudun, une spécialité biscuitaire ayant pour origine la culture d'amandier en pays loudunais. Les Loudunais vous attendent avec leur sourire légendaire. Vous ne pourrez plus partir. Et vous ne voudrez plus partir. Information non contractuelle, nous déclinons toute responsabilité si vous y déménagez. Ah là là, ces loups du nez, ils nous donnent envie d'aller chez eux. J'espère que vous serez nombreux à aller voir ce site touristique exceptionnel. Ouais, alors tout de suite, nous allons écouter l'horoscope du week-end. On va écouter Guillaume pour cet horoscope, c'est parti. Très bien, donc c'est parti pour l'horoscope Bélier. Suite à un mercredi difficile, Saturne retourne sa veste et vous laisse un week-end brumeux. Il faudra attendre lundi avant de vous sentir utile à cette vie. Taureau. La semaine a été longue, hydratez-vous avant la soirée, sinon votre dimanche pourrait s'avérer plus long que d'habitude. Gémeaux, Vénus arrive à son paroxysme vers 17h, donc dans 2 minutes. Vous libérant de tout tracas pour passer une soirée sous les meilleurs auspices. Cancer, si on devait nommer des chats noirs dans le village, ce serait vous. Ne restez pas trop près des scorpions, ils sauraient vous attirer des ennuis. Lion. Votre sang se mêle parfaitement au vin, si bien que, dans le village, vous domptez à merveille vos breuvages du soir. Attention cependant à ne pas trop manger. Vierge, l'amour va s'abattre sur vous quand vous vous y attendrez le moins. Restez sur vos gardes. Balance, durant ce week-end de la Tivoli, vos capacités sont décuplées. Je suis Balance. Servez-vous-en à bon escient. C'est entendu. Scorpion. Ne restez pas trop près des cancers, vous tomberez facilement dans leur filet. Sagittaire, la musique de ce week-end est sûrement la bande-son de votre vie, j'espère qu'elle va vous plaire. Capricorne, la constellation de Cassiopée vous protège, vous ne risquez rien si ce n'est le bonheur. Verseau, le recto vous tourne le dos, une fois n'est pas coutume, mettez de l'eau dans votre vin. Et enfin, poisson, avec ce village de la Tivoli, vous avez enfin trouvé votre chez-vous. Il est temps de construire votre vie. Alors on va... Parfait, merci pour cet horoscope, vraiment. Quel programme. On va donc passer... Petite musique juste avant d'accueillir trois femmes exceptionnelles qui vont arriver à nos micros pour répondre à quelques questions. Tout de suite, une petite musique. Ah, j'ai une annonce importante à vous faire. Antoine Rabussier va commencer son activité Sensation, activité qu'on retrouve tous les ans lors de la Tivoli. Je vous invite donc à aller lui faire un petit coucou et essayer de voir un petit peu ce qu'il va nous proposer cette année. Et dans un instant démarrera également, me fait remarquer Nicolas Tellier, la finale du Palais. Donc encouragez vos finalistes favoris pour la victoire. Et nous revoilà sur Radio Tivoli et donc nous avons été rejoints par Agathe, Amandine et Carla. Bonjour toutes les trois. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Alors déjà, je vais vous présenter rapidement peut-être pour tous ceux qui ne vous connaissent pas ou peu. Et même pour ceux qui vous connaissent, c'est toujours un plaisir d'être présenté. Alors nous sommes au début des années 2000, le hip-hop US fait son arrivée dans les hit machines de Charlie et Lulu. Agathe, tu n'as que 15 printemps et déjà le beat de l'outre-Atlantique éveille en toi une fibre artistique. Tu te lèves le matin, branches ton MP3 et écoutes les premiers sons de Booba discrètement au milieu des couloirs du lycée des Feuillants. Tu passes sans faire attention devant Amandine, plongée dans ses bouquins de maths P, cachée derrière ses longs cheveux vénitiens. Bientôt, tu finiras par la dévergonder, petit à petit, à base de demi-panachés à la serrurerie. De l'autre côté de l'océan, Carla, baignée par les rythmes enflammés de la salsa, commence ses premières soirées sous les yeux inquiets de sa mère. Comment découvrir le sens de la fête dans un pays toujours en deuil ? Eh oui, deux années passées et pourtant... Les larmes coulent encore à l'évocation de l'incroyable but d'Emmanuel Petit qui a permis à la France de gagner une Coupe du Monde bien méritée. Heureusement pour toi, Carla, les vents t'amèneront au pays où l'on sait manier le ballon. Alors que chacune développe en son fort intérieur une passion pour la musique et la danse, vos destins vous amènent à vous rencontrer dans une soirée parisienne. Entre deux mojitos, vous partagez votre passion commune et montez votre projet de DJ set. Tels les Destiny Childs, vous rayonnez désormais sur tout le continent. Ibiza, Loudun, Paris ou Brésil, vous êtes les stars du DJ. J'ai pas les derniers mots de ce qu'on a écrit. Alors, bonjour à toutes les... Bonsoir maintenant peut-être à toutes les trois. Bonsoir, comment allez-vous déjà ? Je pense que c'est la première question qu'on peut peut-être vous poser. Ah bah très bien, on est ravis. Agathe, elle est bien aussi. Agathe va très bien aussi. Elle nous liés. Charge de vous le dire. Ok. Agathe va bien. C'est récent ou pas? Ouais, c'est assez récent. Ça fait plaisir. Elle vient de se réveiller. La bouche dessus. Ok. Une première question. Vous êtes DJ de la Tivoli Party et vous êtes DJ de façon occasionnelle ou est-ce que c'est vraiment régulier? Est-ce que vous êtes même des fois amené à être rémunéré, etc. Enfin bref, racontez-nous. Bah, on est très thune. Souvent rémunéré, du coup on est obligé de faire monter nos cachets de plus en plus. Oui. Donc en fait c'est vraiment un privilège que vous avez de nous avoir. Enfin, ah oui. Voilà. Parce que d'accord. Bon, on a quelques arrangements avec les organisateurs, si vous voyez ce que je veux dire. Ça me gêne énormément. Non, mais il n'y a pas de plaisir. Quand il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Bien dit. Du coup, vous êtes. Alors, si j'ai bien compris, à la base, vous étiez toutes les deux à faire un petit groupe et quelqu'un s'est joint à vous. Ça s'est fait comment ce rajout d'une étrangère, finalement, dans votre groupe? Ah, c'est violent. Bah c'était la caution, enfin c'était voilà, l'ami. Pour éviter étrangère. La question subversive, absolument. vous êtes voilà. Vous avez ajouté une étrangère à votre et ça se passe bien? Bah ça se passe bien, elle parle assez bien français. Elle voilà. Est bien intégrée, tout ça. Elle s'intègre petit à petit. Ouais, elle chante okay. Même Aya Nakamura maintenant, donc peut-être trop quoi. Intégrée du coup. Il y a un moment l'intégration ça va 5 minutes quand même. OK. Et donc, autre petite question, comment est-ce que vous préparez un set? Est-ce que vous préparez vos sons un petit peu à l'avance ou est-ce que vous avez juste une playlist et vous voyez un petit peu ce qui vous vient à l'esprit et vous choisissez Après, on fait un rendez-vous à Sona, on est tous ensemble, voilà, dans la Sona. Et on met de la musique, et voir qu'est-ce qui ça fait plaisir, qu'est-ce que ça mâche. Donc ça vient vraiment sur le moment, quoi. Sur le moment où vous dites, ouais. Ok, vas-y, ce son, il me fait kiffer, j'ai envie de le mettre. Et, voilà, exactement. Et, ouais. D'accord, ouais. Ok. Alors, votre méthode de mix, c'est le B2B, c'est ça? Oui, absolument. Alors, B2C Guillaume, même, hein, la dernière fois qu'on a dit à Guillaume que vous mixiez donc en B2B, il nous a parlé de BAB. Il nous a dit, oui, je connais bien j'ai B2B, confondu. C'est un rappeur de la Vienne. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer à Guillaume ce que c'est le B2B? Oui, j'aimerais savoir, merci. Alors, c'est business to business. C'est quand on fait de la communication entre prestataires. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est simplement en fait B2B, c'est on joue ensemble quoi. On a chacun nos sons et on en passe un chacune. C'est un jeu pour vous, c'est ça? C'est un jeu. Ah, c'est un jeu. Ouais, attention. C'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu. Très très bien. Vous êtes amis dans la vraie vie? Non. Vous évitez de vous côtoyer quand même. Just business. Just business. To business. Ok. Alors on veut pas créer d'embrouille, mais du coup amis ou pas, comment est-ce que vous êtes rencontrées toutes les trois? Waouh, Agathe, ça va? T'es réveillée? Ok, tu peux répondre à la question? Je rappelle que hier soir, il y a déjà eu une soirée qui a fait des ravages. Ah si, c'était le nouvel an. Chez tes parents. Agathe, tu nous entends? Bah Agathe, on l'a rencontrée hier en fait. Hein. Ouais. Elle était sympa. Elle vous avait trouvé sympa et vous avez dit vas-y viens, tu veux jouer avec nous? Je viens de quincer, ça vous dit, voilà. J'aime le R&B, on a du babanco. Vas-y go. Elle voulait l'occasion pour utiliser cette belle combi rose, c'est oui. Ça. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'elle est venue. Voilà. Breaking news. Les gagnants sont arrivés pour le jeu de palais. Attention, est-ce qu'ils peuvent lever la main les deux gagnants? Les gagnants, levez la main. Je ne connais plus. Bravo, bravo à vous. On les applaudit très bravo, très fort. Bravo, innovation pour les vainqueurs du tournoi de palais. Le palmarès sera annoncé à 19h30 au niveau du Mont Beau-C15, je pense. Voilà, ça va être magnifique comme moment. Excusez-nous les filles, breaking news, on ne peut pas y échapper. Vous savez, l'actualité est brûlante ces derniers temps. Bon, bref, on était en train de dire que vous connaissiez depuis peu finalement. Belle lurette, ah ouais, peu, on ne sait pas trop. Et en fait, pour tester votre business, notre rédactrice en chef Camille a préparé un petit jeu qu'elle va vous présenter pour savoir si vous connaissez vraiment. Attention, c'est parti. Alors, on va faire un quiz musical. Ok. Il y aura 3 manches. Ouais. Et vous allez jouer contre nos animateurs présentateurs pour okay. Avoir un c'est peu nous. De concurrence. On est nuls. Un B2B. Donc, il n'y a que moi qui connais les titres. Évidemment, personne n'a été privilégiée là-dedans. Donc la première manche, ça va être simple. Hein. On fait écouter un son au ralenti ou en accéléré. Il faut trouver le titre ou l'artiste en premier. Ok. Un point pour l'artiste, un point pour le titre. On est parti ? Les connaissances de Guillaume s'arrêtent dans les années 70, je dirais. Je sais même pas quand c'est les années 70. Mais... Elle s'arrête tout court. Allez, concentrez-vous, s'il vous plaît. I need somebody. Très bon. On a tout. Enfin, bon, c'était I Wanna Dance with Somebody, mais on l'a. Ça m'a juste fait penser à la voix de Egon dans Lonely. I'm so lonely. C'est tout ce que j'avais. Je vous le dis, c'est tout ce que j'avais. Les journalopes sont pas très bons. Moi, je suis profondément nul. Hein. Il avait pas reconnu Egon non plus, je vous le dis. Allez, on continue. On s'arrête pas. Mary J. Blige. Oh là là, mais on a une championne, hein, ça va être compliqué. Est-ce que tu nous trouverais le titre ? Non, je l'ai pas. Non. C'est une Family Affair. On l'avait. Ah. Ouais, moi aussi je l'avais. On n'a pas osé. Allez, Et je l'avais avant vous, mais. C'est vrai, tu l'avais. Bon, dernier titre de la première manche. C'était un peu pour se réchauffer les oreilles, ça. Hein. C'était un tour facile, on le sait. Ça marche super bien de notre côté. Ok, on est parti. Oula. C'est casse-t-il. Alicia Keys. Mais oui. This Girl Is On Fire. Et bravo, on les applaudit très fort pour cette première manche remportée haut la main. Bravo. Pas si haut la main non plus. Alors la deuxième manche, donc c'est un autre concept de quiz musical. On va jouer en même temps 4 titres. Et à mesure que vous trouvez un titre, on l'enlève et donc petit à petit ça devient de plus en plus facile. Oui, on joue. Vous êtes toujours en concurrence, vous pouvez toujours vous rattraper. Officiellement, on joue, après on verra ce qui se passe à la fin. On pourra dire que finalement on voulait pas jouer. Et je tiens à dire juste que pour cette manche-là, on a une sélection purement féminine, d'artistes féminins et évidemment issus du hip-hop R&B. Voilà. Parfait. Ok. On est chaud. Vous êtes chaud ? Hyper. Ok. Ça va pas être facile. Hein. Là, on va enlever le. Ouais, c'est bon, on a accéléré en plus parce que ça finit pas faire beaucoup. Aïdou, Dilemma. Dilemma. Lali. Nelly. Et Sarah, ça me saoule. Panique. Destiny's Child. Survivor. Alors, pour le moment, on a Say My Name. Non, pas Say My Name. C'est une plus compliquée, c'est pour les connaisseurs. Il vous reste 3 titres à trouver. Le public, vous pouvez aider hein, si vous avez des petites idées. Independent Woman. Destiny's Child. Non. Independent Woman. Non, pas Independent Woman, non. Gilo. Comme From the Block. Jenny from the Block. Allez, un point pour les garçons. Round the row. Beyoncé. C'est Beyoncé. Et bravo, il n'en reste plus qu'une à trouver. Vous avez l'artiste, mais vous n'avez pas le titre. Bootylicious. Non, mais elle les connaît bien. Vraiment, c'est impressionnant. Ils disent les vieux men at home. Et non, et bien c'est Jumping. Ah, mais oui. J'ai Destiny Child. On leur a laissé la victoire. Et bravo, et bah donc les filles remportent la deuxième manche. Bravo aux filles. Et je pense que sur la troisième, on va pas pouvoir faire grand chose. Bah si, je pense que Carla peut traduire à tout le monde et ça peut être au premier qui trouve malgré tout. La troisième manche va être extrêmement compliquée. Oui, il faut. Attention Carla, ça va être à toi de jouer. Du coup. Merci pour la pression. Vas-y si tu veux. Alors pour ça, en fait, notre rédactrice en chef Camille a enregistré quelques mots sur Google, des paroles de chansons qu'elle a fait traduire en portugais. Tu vas donc entendre les paroles en portugais, tu vas devoir nous les traduire et nous allons devoir comprendre de quelle chanson il s'agit. Voilà, tu nous les traduis en français évidemment s'il te plaît. Ça s'appelle le téléphone portugais. Le téléphone portugais comme tout le monde le sait. Voilà. Mise tout sur toi. J'ai joué pour les deux équipes. Carla, c'est... À nous il faut t'ouvrir Carla, il faut t'ouvrir à tout le monde s'il te plaît. Nous aussi on veut jouer, on veut perdre tranquillement. À nous d'être bons. Allez, on commence, il y a trois titres en tout à trouver, donc on écoute les premières paroles du premier titre. Aha, aha, pula, aha, willy, dance, balls, a balls, willy, willy, salto, salto, babia, babá, ha, vamos pular, eu sou willy, dance, aha, vamos lá, ouça, eu tenho alguns bons, vá em frente. Aumente o volume sem le regard de Carla entrar em condição o que você está esperando. Donc Carla n'est pas du tout brésilienne, nous sommes en train de le découvrir. Tout ça n'est qu'une induction Carla, on t'écoute. Ça parle de quoi grosso modo? Ça s'appelle je suis, je sais pas quoi, il parle de l'homme. Saute, je sais pas quoi. Eu me positionne eficiente, sigo minha direção. Position un moment. Je suis ma on vie, je m'y positionne très efficientement. Mais c'est connu cette chanson. Après, on est sur du rap français, donc. Ah, c'est pas rough. Non, mais vous avez, il y a quand même un gros indice dans le texte. Hein. On le remet. Mais il y a un gros, il y a mais un gros. Mais je l'ai écouté il y a pas longtemps. Ah, Willy, dance, balls, a balls, Willy, Willy, salto, babia. C'est une très belle langue en tout cas, Carla, hein, vamos le portugais. Pulhar. Eu sou Willy dance. Je suis Willy dance. Vamos lá. Là, tu viens de donner l'artiste, c'est déjà pas mal. Vas-y. Tu t'en rends pas compte, mais tu viens de donner l'artiste, c'est bien. On va se l'écouter parce que je sens qu'on l'a pas quoi. Willy. Merci Carla. C'est le premier qui trouve le titre. C'est du son. C'est Willy. Ah oui. Je viens de le dire. Je viens de dire meurt du son. Ouais, je pense qu'ils l'ont dit avant vous. Effectivement. 1-0. Ok. La brésilienne dit que ça n'a alors, pas de sens. Après, on n'a pas dit que le mur du son avait du sens, hein, même les en français. Les musiques françaises n'ont pas forcément un sens très précis, attention. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième musique? Il va falloir un peu se réveiller, Carla. Hein. Carla, on mise tout sur toi, là. Ok. Allez, on s'envoie... Une me dê seu coração, baby, seu corpo, baby. Donne-moi ton cœur, baby. Donne-moi ton cœur, Camaro. Baby. Donne-moi je veux une femme like you, femme like you, Camaro. C'est une passion, ça y est, on est dans mon domaine. Par contre, ça devait pas être que des femmes. Ah, le thème, c'est la femme. Le thème et la femme, d'accord, ok, j'ai compris. Pardon. Non, en fait, malheureusement, en France, on n'a pas suffisamment d'artistes françaises, rappeuses. Absolument. La troisième voilà, sera c'est donc bien regrettable. On passe à Diam, on passe à Wallen. RIP. Oh, Raph et Wallen, on peut la mettre s'il vous plaît. Ah, elle est prévue. Après, il y a Kenny Arcana quand même. Aussi. Attention. Je suis d'accord. Il y en a, mais après, il fallait que les paroles se prêtent au jeu. Non, mais je voulais pas critiquer la chef. Hein. Attention. Attention, c'est la dernière. On est sur un gros son de l'époque. Vas-y, Carla. Eu pergunto muito educadamente. Je me demande très educadamente, très politiquement. Quando ela me responde, quand je lui réponds, desculpe, senhor, é meio-dia e depois do meio-dia. C'est midi. MC Morning acabou. Eu disse si a vous ele. Voulez, je peux traduire à sa place. Quando eu perguntei a você, eram 11 horas e 59 minutos. Quand j'avais te demandé, c'était 11h59. Eu quero uma manhã salgada. J'ai você vu, sabe aquele com ovo? Ela matin me disse, salé. Meio 11h59. Eu disse que acabou, pegue um Big Mac ou procure. J'avais dit que c'est fini. Prendre un Baby Mac. Encore malade. Ele, me chame de chef. Non. O chef não está. M'appelle aqui. De chan de chef. Para o chinês. Você pode conseguir um prato? Eu digo tu peux, a ele, dois segundos, tire um tu peux prendre un assiette? Bolsa e aponte as pessoas por trás que estavam tão impacientes, agora estão se afastando. Ela maintenant, me disse, les gens, okay. Ils ont plus de patience. Pegue et tu a caixa les registradora. Les eu não quero morrer a muitos ingressos. Je ne veux pas mourir dans plein des univers. Morning, bon. Onde eu atiro pour moi, c'est un vieux qui me parle pour le moment, qui est aigri et qui vote extrême droite. Ouais. Voilà l'histoire, c'est vrai qu'on n'est pas loin. Alexandre, t'as écrit le personnage principal. Sur Le Pen, là ? Sur Marine ? Non. MC Morning, eu fico louco, droga, eu fico louco. Il y a eu drogue. Je suis fou, merde, je suis fou, je deviens fou. Merde. Meu filho, je suis fou, je deviens fou. Je suis fou, je deviens fou. Génialité. Perder, então, chupe meu pau. Ah, vous la connaissez, hein. Moi j'ai pas. Bon allez, je la mets. Premier qui trouve. La peste, je pète les plombs. Je voulais juste un Mac Morning. Je pète des plombs, putain je pète des plombs. Putain je pète des plombs, mais je pète des plombs. Tu te fais du ma femme, mon gosse. Ah, tu n'as rien à perdre, alors suce mon dos. J'ai juste une dernière petite question parce que vous n'êtes pas passé à la question subversive. Attends, Alexandre, tu vas vite, mais on n'a pas annoncé les scores et les gagnants. Ouais, bon, on va passer tout de suite à la question subversive. Les scores. Je crois que les filles ont remporté le jeu, hein, grandement. On peut les applaudir. Alors, grandement, grandement, je suis pas sûr, mais on accepte la défaite. Bravo à vous, vous êtes meilleurs en musique. C'était assez attendu. J'ai juste la question subversive avant de vous laisser partir. J'ai vu qu'Amandine nous avait quitté, merci. La question subversive, elle en a eu peur. Est-ce que c'est dur d'être une femme dans le monde de la nuit aujourd'hui, en 2021? C'est la question subversive, il faut répondre. C'est pas difficile d'être une femme juste pendant la nuit dans le monde de maintenant. C'est toujours difficile d'être une femme parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Donc c'est pas juste dans cette situation là, c'est toujours difficile. J'espère que le message est bien passé auprès des hommes, on applaudit. Bravo. Et auprès des femmes, si jamais il y en a qui veulent taper d'autres femmes, c'est pas gentil, on ne cessera jamais de le répéter. Merci à toutes les deux et à toutes merci. Les trois ouais, venues. Merci, c'était en tout cas, un plaisir d'être venu. De vous cool. avoir à notre pour nous éclater au Blind Test. Blind quoi? Blind Test. Ouais, c'était mal quoi, j'ai bugué. Oui. Non. On envoie tout de suite une petite page de pub. Allez, c'est parti. Allez. L'être humain est un beauf, moi-même je suis un gros beauf. On est tous le beauf de oui. quelqu'un, tu es le mien, je suis le tien. Tu es beauf, je suis beauf, vous êtes beauf, vous êtes. Si toi aussi t'es un gros beauf, viens vite écouter le dernier album de BAP gratuitement sur YouTube. Niveau, la vie n'est pas un jeu vidéo. Inclus le single de l'été 2019, Triomphe. Faire la bamboche, le dernier album de BAB disponible immédiatement sur YouTube. On reprend tout de suite avec quelques dédicaces qui nous ont été envoyées. Alors on commence avec un message d'une dénommée Loulou. Super prog, en tout cas, merci bien. Bah, merci à toi, Loulou. Ça nous fait plaisir de savoir que tu nous écoutes. Ça fait plaisir. Envoyez de la force. Ça fait... ouais, envoyez-nous vos mots doux. Ensuite, on a une nouvelle question, encore une fois, de Cassie. Cassie, quelle curieuse, celle-là. Les promotions sur les bières à Leclerc sont-elles cumulables? On l'espère. Alors, on va tout de suite envoyer un petit mail à Leclerc pour savoir ça. Si c'est, sinon, vous pouvez peut-être demander à Antoine Rabussier. J'ai vu qu'il avait un t-shirt Leclerc. Il doit s'y connaître. Et enfin, notre anonyme de tout à l'heure qui laissait une dédicace à Alexandre dit Fournix a bien précisé que ce n'était qu'un message d'excuse. Voilà, et pas tellement un message d'amour, finalement. Quel dommage, quelle tristesse. On va tout de suite passer à notre prochaine rubrique, un peu l'instant scientifique. Et oui, l'instant que nous attendons tous, l'instant où nous allons faire intervenir Julien, dit docteur Châtel. En effet, aujourd'hui, dans l'instant santé, nous allons parler d'un sujet de société terrible qui frappe chaque année des milliers de Français. J'ai nommé le suicide. Et oui, pour ce faire, beaucoup de malheureux optent pour la pendaison. Et pour en parler aujourd'hui, nous accueillons donc, comme on l'a dit, docteur Châtel. Bonsoir, docteur Châtel. Bonsoir, Julien. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, Guillaume. Mon bienvenue sur nos antennes. On m'entend ? On t'entend suffisamment, crois-nous. Est-ce qu'on peut mettre plus fort que les autres, s'il vous plaît ? Non. Du coup, si on vous a fait venir ici, monsieur docteur Châtel, c'est pour donc parler de la pendaison. Je crois que déjà, il va falloir définir le terme de pendaison. J'ai cru comprendre qu'il y avait deux types de pendaison, voire trois. La pendaison judiciaire et les autres pendaisons. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors déjà, merci de m'avoir invité. Ensuite, j'ai un petit message d'un ami qui s'appelle Robin, qui m'a demandé, quand j'étais à l'antenne, de dire qu'il était célibataire. Donc voilà. Robin, la dédicace est passée. C'est bon à savoir, Robin, on t'a entendu. La dédicace est... Alors, attendez, breaking news ! Mon beau C15 roule à travers tout le village de la Tivoli. Oh là là, quel magnifique véhicule ! Bravo à eux. Il donne envie à bien des gens avec une sirène posée en son sein. C'est vraiment un bonheur. Il passe et on regrette déjà qu'il soit parti. On va tout de suite reprendre donc sur la pendaison. Ouais, est-ce qu'on pourrait arrêter de s'amuser et parler un peu suicide ? Est-ce qu'on sujet tout aussi joyeux que mon beau Séguin ? Alors, raconte-nous, Julien. Je crois qu'on parlait de pendaison judiciaire et pendaison de mort. Voilà, que tu pourrais nous définir un petit peu ça ? Alors, déjà, un petit rappel historique, la pendaison, donc on a pendu des gens pour les tuer depuis très longtemps. Et en fait, parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Ouais. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'était que pendant longtemps, soit on les mettait sur un cheval, soit sur un tabouret. Et en fait, les gens, ça marchait, ils étaient morts. Mais le souci, c'est qu'ils avaient beaucoup de mouvements anormaux. Ils mouraient sur le coup. Genre mais après, des convulsions. Ouais, en fait, ils avaient des convulsions, etc. Et parfois, il y avait la famille qui était obligée de venir sur scène pour essayer de tirer sur les jambes et qu'il arrête de bouger. Donc, il y a un grand. Breaking news, je suis désolé. Mon boss est 15 donc, qui passe avant la pendaison. Oh là là, mais regardez-moi ça. C'est magnifique. Mon beau Seigneur, vous verrez quand même un logo absolument magnifique. La sirène qui nous dit bonjour, on se croirait dans le Tour de France. Ça me rappelle le mois de juillet, on est de nouveau en plein été. Et voilà, on reprend sur la pendaison, c'est parti. Et donc on est au 19e siècle et on trouve que ça fait un petit peu tâche et qu'il faudrait pendre les gens un peu proprement. Il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Thomas, qui a été anobli par la suite, donc c'est Sir Thomas, qui a inventé le principe. Il a été anobli pour ça ? Il a été anobli pour ça. C'est en fait, il a inventé la trappe là, pour faire tomber les gens. Donc comme ça, les gens tombaient, ça faisait une rupture complète de la moelle cervicale et donc il n'y avait plus rien qui bougeait. Quoi. Donc c'était clean. Thomas, ingénieur. Quoi. Donc c'était plutôt clean, ouais. Donc finalement, c'était dans un but altruiste qu'il a inventé ça. Mieux tuer les gens pour mieux les sauver. En fait, c'est plutôt propre parce que c'est vrai que quand tu pends quelqu'un et qu'il se met à bouger sur l'échafaud et tout ça, ça... Ça fait moche, quoi. Ouais, voilà, c'est pas la justice. Pas là. C'est pas la justice, d'ailleurs, quoi. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce qu'à l'époque, les bourreaux avait un soutien psychologique après avoir tué des gens ou pas du tout ? C'est pas le sujet de ma thèse. D'accord. Il faudrait peut-être s'ouvrir. T'as pas un avis ? T'as bien un avis, non ? Il faudrait d'autres études. Non, je pense que c'est une vocation. C'est pas si vieux que ça. Ouais, c'est un métier à vocation, quoi. Faut aimer, quoi. Comme prof, comme médecin, comme... Surtout comme prof. Ok, surtout comme prof. Ah, donc là, on vient d'évoquer la pendaison judiciaire, mais je crois bien que les gens qui se pendent chez eux tranquillement, ce n'est pas une pendaison judiciaire. Quelle est la différence exacte ? Alors c'est la pendaison, c'est la pendaison accidentelle, puisqu'il y a des gens qui font ça à des buts érotiques. C'est vrai qu'on en a eu un dans le service pas plus tard que la semaine dernière. Ouais. BDSM ? Ouais, en fait, en gros, il y a le côté jeu du foulard et tout ça, en mode je me branle en mettant un foulard, etc. Et il y a des gens qui... On ne rigole pas. Pour l'asphyxie, c'est ouais, ça ? Ouais, pour le côté, en fait, on va avoir une hypercapnie, c'est-à-dire une augmentation du CO2 dans le sang, qui va provoquer un peu un délire au niveau cérébral. Apparemment, ça modifie les sensations sexuelles. Mais parfois ça déconne un petit peu et il y a des gens qui... Faites attention si vous essayez ça chez vous. Ouais, il faut éviter. Donc voilà, après qu'est-ce que j'ai comme petit goodie sur la pendaison ? J'ai vu une image d'un type, en fait il s'est pendu, mais il s'est pendu. En fait il s'est pendu à un pont et il est tombé de plus de 8 mètres. Et au moment où le lien s'est bloqué, vraiment la corde a été très solide et ça l'a décapité. Donc voilà, pendaison, c'est décapitation. Moche. la décapitation. Vous êtes content d'être resté. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est plein de surprises. Du coup, vous êtes docteur depuis maintenant 3 jours déjà, je crois. Depuis 3 jours, ouais. Ce qui quand même fait une sacrée expérience. Ouais, c'est la détente, là. Depuis que vous êtes docteur, donc, est-ce que vous avez pu voir plus de cas et augmenter vos statistiques sur les pendaisons? Non, parce que c'est vrai que maintenant que c'est fini, je m'en fous un peu. Pour le moment, on est plutôt sur un kiff. Hein. Sur un kiff de la pendaison? Sur un kiff total. J'ai... Donc tout compris, quoi. Donc, tout compris. Ouais. J'ai beaucoup d'amitié pour la pendaison, parce que c'est vrai que j'ai quand même passé beaucoup de temps à travailler dessus. Quoi. Trop peut-être. C'est un sujet très intéressant. Il y a des séquelles chez vous aussi, a priori. Déjà, je voudrais que le public applaudisse un docteur depuis 3 jours. Oui, merci beaucoup. Quand même. C'est un record. Et bravo. Merci les mecs, ouais. Merci les mecs et les filles. Ouais. Je tiens à préciser qu'il n'a pas encore été radié de l'ordre des médecins, malgré quelques dérives au sujet de la pendaison. BDSM, entre autres. Est-ce que vous êtes prêt à nous résumer globalement les résultats de vos thèses en moins de 180 secondes qui ne seront pas chronométrés? Franchement, je pense qu'on va le faire un peu rapidement parce que je suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Oh, quand même. Je sais pas, il mettre un mural intérieur, tout le monde est chaud ou quoi? Non. Ouais. Bon, ok. En gros, moi, je fais de l'imagerie médicale, c'est-à-dire que j'interprète tout ce qui est scanner, IRM et tout ça. Et en fait, les pendaisons accidentelles ou suicidaires, tout le monde ne meurt pas. Et dans les gens qui meurent pas, ils vont à l'hôpital. Ah, c'est dommage. Faut mettre un peu d'émotion quand même. Ça marche bien quand même. Hein. Et donc ils meurent pas, ils vont à l'hôpital et ils ont des imageries. Et en fait, le problème, c'est que quand tu te prends, il y a beaucoup de lésions, notamment on peut se péter le cartilage thyroïde, c'est la pomme d'Adam là. Ça, on peut se le casser, on peut avoir des lésions cérébrales, etc. Merci GG. Et ça a été décrit en fait beaucoup sur des séries autopsiques parce que la majorité sont morts et très peu sur les trucs en imagerie alors qu'ils ont plein d'imagerie. Donc moi en fait c'était de décrire ces lésions là en imagerie et d'essayer de voir par exemple est-ce qu'il y a des signes, on trouve des signes en scanner qui nous permettent de dire lui ça va très mal se passer et dans les 3 jours il est cané. Et d'autres signes qui nous permettent de dire bon ça va quoi. Donc voilà, globalement c'était un peu ça ma thèse. D'accord, et donc le but de ta thèse c'était de mieux prendre en charge les patients qui arrivent à l'hôpital, c'est ça ? C'était d'essayer de voir est-ce qu'on voit les choses en scanner et est-ce qu'il y a des signes en scanner qui nous permettent de dire par rapport aux données cliniques initiales et de suivi, quoi. D'accord. D'essayer de gérer tout ça. Voilà. Je suis très content de vous avoir présenté ma thèse. J'espère que ça a intéressé le public. En tout cas, c'était tout passionnant. Le monde est là, on a adoré parler de pendaison, vraiment. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien Châtel. Docteur Châtel, dois-je dire. Je peux terminer sur un petit beat Absolument. Ouais. Voilà, c'est tout pour moi, c'était ma thèse. J'espère bien me faire sucer maintenant que je pèse. Ne vous inquiétez pas, je vais pas me mettre à rapper, j'ai la flemme. De toute façon, j'ai un flow de merde, je suis pas Eminem. Bravo, Julien Châtel! Alors, une dernière petite dédicace avant bientôt de clôturer cette radio Tivoli. Ah bah, je reste alors. Alors un petit mot qui nous vient de Nantes. Nantes City, impossible de dormir sous la tente, danser toute la nuit ou boire des litres de bière, mais je me réserve pour être encore plus en forme l'année prochaine. Je compte sur vous pour être encore plus drôle que l'année dernière et que Cassie cherche sa voix à la fin du week-end. Des gros bisous, chin, santé. Et ça nous vient Deezer qui nous manque très fort et à qui on pense énormément. J'en profite aussi pour dire que ceux qui ne les ont pas reconnus, on a eu Martin et Samuel qui ont participé en nous envoyant des pubs, les pubs Leclerc en l'occurrence, c'était leur voix. Et voilà. Merci à eux aussi, on les applaudit bien fort. Bravo! Et donc en dernière chronique, le fil rouge était tout trouvé puisque nous avons parlé de pendaison. Et en effet, cette radio était éphémère aujourd'hui, elle va donc mourir doucement sous vos yeux. Mais sûrement, avec une pendaison sûrement judiciaire. Et donc, avec une trappe en dessous. C'est maintenant que nous finissons avec joie. Nous espérons que vous avez aimé passer ce temps avec nous, ces 2 petites heures. Et on se retrouve peut-être l'année prochaine si cette radio renaît de ses cendres. Merci à tous. On me fait une annonce breaking juste avant news, de clôturer news. Et de nous applaudir et puis de vous applaudir parce que vous êtes un public merveilleux. Julien Bréen vient de m'annoncer que le juste prix va commencer au niveau du Mombo C15 il va arriver. Attention, vous allez pouvoir jouer et gagner des lots formidables. Je rappelle que Antoine Rabussier vous attend toujours avec un grand sourire. Sponsorisé par Leclerc. Légèrement fatigué, mais toujours enjoué pour vous accueillir. Cassie cherche toujours sa voix, tandis que Robin est toujours célibataire. Alors n'hésitez pas, n'hésitez pas et amusez-vous surtout. On vous voit plus tard. Gros bisous. Gros bisous à vous et merci. Merci à tous. Radio Team. Radio Team.